porte le poids du monde sur les épaules. Noir et lien s'enflamme comme des hippos, froid comme un hippo. Les buts stoppent leur pipeau. On voit les couilles comme couchaine, moi je représente pour mon pipeau. Des taches de sang sur mon tifo. Les gros t'es chaud, on a ce qu'il faut. Chasse les phoques, chez nous on se tape jusqu'au hibon. Merci à FIFO pour la typo. Tu sais que je veux pas finir en Fiat typo. Demande à Ronji, à PES qui fout des petits ponts. Dans le rap que des petits cons. Arrière sur le périph, fait plus de flash que les nippons. Des tours au heps pour du pilon. Les gros y'a le filon, le crocodile vert sur mon nylon. On vient de la foutre dans le fion. On baise la République et le ministère de François Fillon. De la haine en échantillon. On sème la graine de bandit, de la délinquance sur les sillons. Une place pour un million, en cash pour un million. La rage pour mon million de semblables. Dégaine une arme pour le triomphe. Avance-moi et mes pions. Les rappeurs grimpent comme un tapin monte au crayon. Un flingue et un crayon pour les frères morts prions. Le clan des hyènes, ouais. Le temps est compté pour le lion. Ouais négro, vas-y roule en joint popo. Pour mes gars partis trop tôt, pas besoin de faire un topo. L'hyène danse le pogo, flow trop chaud. La race arienne nous prennent tous pour des bonobos. Dans leur clip ils jouent tous les rocos. Poto, toujours discret quand je me barre en moto. Les hommes remplacés par des robots. Les machines veulent contrôler mon cerveau, choque des photos. Toujours en bande, ma planque derrière le périph. Sors tard la nuit dans les cyniques, y'a que des shérifs. Inarrêtable, j'suis devenu un animal. Ma gueule qui se quitte prend comme ça par les mâles du clan. Une chaîne de vie, un mal de vivre. Pour ça que j'nique le MIC qui m'aime me suivre. Mes gars sont ifs, font briller le métal et le cuir. Prolonger la partie, et si tu perds on t'nique. La vie est pénible, s'il me reste quelques heures à vivre. Laisse-moi attester que Dieu est unique. Évite la casse des pas. Du Monopoly, la vie carcérale. C'est dur quand t'es seul dans ton lit. Noir, ça ressemble à orange mécanique. Les bourgeois paniquent, j'cause du trouble à leur public. Y'a pas de tactique, ma violence est héréditaire. Sort l'automatique, j'viens rendre visite aux maisons de disques. Quoi de neuf refrains? Yeah, joue la même mère. Quoi de neuf refrains? En place dans mon ghetto. Quoi de neuf refrains? Rien de spé. Zias, les gros dispatch, ma win. Quoi de neuf refrains? Toujours la même mère. Quoi de neuf refrains? En place dans mon ghetto. Quoi de neuf refrains? Rien de spé. Laisse-moi tirer sur mon split. Quoi de neuf refrains? Yeah, joue la même mère. Quoi de neuf refrains? En place dans mon ghetto. Quoi de neuf refrains? Rien de spé. Zias, les gros dispatch, ma win. Quoi de neuf refrains? Toujours la même mère. Quoi de neuf refrains? La place dans mon ghetto. Quoi de neuf refrains? Rien de spé. Laisse-moi tirer sur mon split. Feu, mon son fume. Ambiance-toi bien, mais. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse l'autre ici? Ça pique rap, ça picole. Hein? Tu veux qu'on fasse quoi, mais. Dans mon putain de ghetto. Si, si. Y'a un petit Z, gros. 9K. Jusqu'à la mort. C'est pour les fumeurs de spliff. Dis-y.